Voici l'histoire d'un homme adorant sucré gomme. Le père d'en passé dans son tort est moins charmant. Son enrobage, penseront tous les grands sages. Non, absolument pas, je vous laisse deviner ça. Sans s'essuyer, de belles grandes barres de fer lui sortaient du derrière. Il vivait en hauteur, perché sur ses splendeurs. Il finit empalé sur ses poteaux d'acier. Si j'en bord de fer est mort du derrière, si j'en bord de fer, là-bas dans les rivières.